Leçon 5. Activités 2 et 3. Page 62. Piste 48. Ça va, Hugo? Moi, j'ai mal au ventre. Tu as toujours mal au ventre? Fais attention. Oui. Tu es fatigué? Toi? Non, je me sens mieux maintenant.